Bien-aimés, encore et toujours, le Seigneur est proche. Hein, il nous le dit, votre rédemption approche. Et là, nous sommes justement à la fin des temps. Et nous savons que nous devons nous préparer à ce retour de Jésus, ce retour du Christ dans la gloire. Alors, il nous donne quelques précisions sur comment ça va se passer. Et bien sûr, il faut lire dans cet évangile beaucoup de symboles, beaucoup de choses qui sont symboliques, qui doivent nous faire comprendre surtout l'esprit dans lequel le retour du Christ aura lieu. Hein, il ne faut pas prendre tout exactement au pied de la lettre, sinon on devient fondamentaliste, mais il faut bien comprendre que ce qu'il nous veut nous dire derrière, c'est que le retour du Christ ne se fera pas dans une espèce de triomphe de l'Église, merveilleux, tout ira bien. Non. Le retour du Christ, la fin des temps, sera quelque chose d'absolument terrible. Et les mots de Jésus sont très forts. Il faut se préparer à ça. Il ne faut pas s'inquiéter quand on voit, il ne faut pas s'étonner quand on voit les choses se dérouler de manière un peu terrible dans notre monde. C'est que c'est nécessaire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le Christ nous apprend qu'il doit revenir. Et il nous dit, regardez ce qu'il dit, il y aura même des hommes qui mourront de peur. C'est très fort, hein, cette expression. Il faut bien comprendre ce que Jésus veut dire là. C'est que les événements vont être tellement terribles que ceux qui ne sont pas dans le Christ, ceux qui n'ont pas cette intelligence de regarder les signes, de voir les signes du retour du Christ et non pas simplement de la fin du monde, eh bien, ceux-là vont être complètement terrorisés parce qu'ils n'auront aucune racine. Leurs racines seront dans le monde présent. Et comme ce monde présent va complètement s'effondrer, eh bien, ils vont être complètement terrorisés et ils vont mourir de peur. Alors, il faut que nous soyons, nous, prévenus de ça. Et sans cesse, il faut nous rappeler ça. Voyez, nous ne sommes pas faits pour cette terre, le monde présent est en train de s'effondrer, oui, il va s'effondrer, mais, comme le dit Jésus, quand vous voyez tout ça arriver, ces guerres, ces tremblements de terre, ces tsunamis, ces grands signes dans le ciel, ces épidémies, quand vous verrez tout ça arriver, quand vous voyez tout ça arriver, vous, que devez-vous faire? Mais il vous dit, vous redressez-vous. C'est-à-dire, vivez comme ceux qui sont déjà dans la vie éternelle, qui sont déjà assurés de la résurrection, qui sont hantés dans le Christ, dans l'éternel, redressez la tête. Redressez-vous, relevez-vous, redressez la tête. Vous voyez, et ceci va être pour le monde entier un témoignage. Alors qu'il est impossible humainement de soutenir la peur de la fin des temps, vous serez redressés la tête haute. Et tous ceux qui, et c'est très important de bien comprendre que nous devons vivre comme ça. Ne pas être sans cesse à nous affoler, à ressasser le mal qui se passe dans le monde. Bien sûr, il y en a du mal dans le monde. On doit pleurer pour tous ceux qui souffrent. On doit se tourner vers eux. On doit se désoler de tout cela. Mais, voyez, ne pas tomber dans la peur, dans l'épouvante. Au milieu de ces ténèbres, être ceux qui, au contraire, ont la tête haute parce qu'ils ont leur vie ailleurs. Ils sont citoyens d'ailleurs. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue il y a déjà quelques années. Je travaillais encore. J'étais à la maison de la radio, vous voyez. Et il y avait eu ce tsunami à Fukushima qui avait un peu ébranlé le monde parce qu'on se disait, ça y est, là, il va y avoir encore Tchernobyl 2 avec cette centrale nucléaire qui était au bord de l'eau et on se disait que tout était fini. Et je me souviens de mes collègues de travail, nous étions à table à la cantine d'entreprise et tout le monde était effondré. Et puis chacun y allait de son couplet, ben voilà, l'homme détruit tout, l'homme est terrible, etc. Et puis, une phrase comme ça qui m'est sortie, mais je ne me souviens plus exactement de la phrase, mais en substance c'était ça, mais vous vous rendez compte, s'il n'y avait que du mal dans le monde, ça ferait bien longtemps qu'il serait détruit. Il y a tout le bien que nous ne voyons pas. Et je me souviens de ce collègue qui était en face de moi et qui s'est mis à pleurer. Mais c'était très simple ce que j'ai dit. Qui s'est mis à pleurer, mais comme si, vous voyez, il avait senti qu'une force qui n'était pas de ce monde poussait à voir le bien, maintenait le monde. Et comme s'il découvrait, il reprenait espoir avec cette petite parole toute simple. Eh bien, vous voyez, c'est comme ça que nous devons vivre. Regardons le bien, regardons l'œuvre de Dieu, soyons attachés à Dieu. Et nous savons que nous traverserons toutes les épreuves. Voilà, il y aura peut-être des souffrances, on aura peut-être des petites angoisses, mais ça ne durera pas parce que nous serons en Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.